enregistrer un album pour remplir leur forum. Mais tout ce qu'on a réussi à trouver, ben c'est l'envie de suicider. Parce qu'on est trop poche pour jouer. J'aime ça quand tu fais des...